Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. C'est une nouvelle émission en direct ce soir, c'est pour ça qu'on commence un peu plus tôt que la plupart des émissions en différé. Et pour ceux éventuellement qui auraient rejoint les ondes en avance, bien sûr, vous ne vous êtes pas trompés, on s'est écouté juste avant le morceau Detox de Stripping Young Lad, et avant ça, un titre extrait du premier album de Immortal qui était sorti chez C9 Mist. En fait, c'est juste parce que c'est des albums qui fêtent leurs 15 et 20 ans cette année. Voilà, prenez ça tranquillement dans les gencives. Et puis, comme je suis arrivé en avance dans les studios de béton et qu'on a plein de jouets sur pour diffuser du son, je me dis que c'est l'occasion de ne pas se priver. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'émission de ce soir ? On est en direct, donc il y aura des focus égrenés tout au long de l'émission. Et puis des annonces de concerts, puisque oui, il va y en avoir pour de vrai. Et puis, des nouveautés. Voilà, bienvenue dans l'émission, c'est parti, on attaque avec la première doublette, une doublette de vétérans, Immolation, Volcano, ça devient donc du continent américain. Immolation, ils sortent là leur nouvel effort studio, Acts of God, toujours une sortie chez Nuclear Blast, et Immolation, ça fait partie de ces groupes qui sont dans la constance... ultra qualitative, il y a absolument rien à acheter encore une fois sur ce nouvel effort de Immolation, que ce soit au niveau des compos, de l'interprétation ou de la prod, c'est toujours un énorme rouleau compresseur de death avec quelques relents, non pas Black Ned mais Evil Death du début de leur carrière, et puis Ross Dolan il a toujours ces deux putains de voix d'ours. Voilà, les présentations sont faites pour le prochain Immolation, qui est déjà disponible au passage, et ensuite les vétérans brésiliens de Vulcano. Ils sortent là leur nouvel effort studio intitulé Stone Orange. Volcano, on est toujours dans le Black Death, trash black. Voilà, c'est pas trop has-been non plus. Ça baigne dans son jus d'époque, on va dire, puis c'est toujours agressif et frontal. Apostle, le titre de Immolation, Volcano Will Live Forever. Voilà, la messe est dite, signé Volcano, Immolation en doublette d'ouverture d'émission. Et bienvenue à toutes et à tous. We'll be right back. We'll be right back. Immolation Volcano. On enchaîne avec la doublette suivante. D'ailleurs, l'ouverture de la doublette suivante nous fait pas forcément rajeunir, puisqu'il s'agit des vétérans anglais de Saxon, le groupe de Heavy qui sort son énième album studio sobrement intitulé Carpe Diem, mais un album bien efficace, hein, comme depuis deux ou trois d'ailleurs. Ils ont eu un bon gros passage à vide pendant une quinzaine d'années. Et là, voilà, ils sont des albums plutôt quali depuis quelques temps. Et une autre formation anglaise, là, beaucoup plus jeune et beaucoup plus agressive, Venom Prison, le groupe de Hardcore Death, qui sort son quatrième effort studio Erebos. Ils continuent à explorer leur musicalité, ils enrichissent vraiment, vraiment leurs compos. Et puis, la vocaliste a vraiment un panel qui s'enrichit au fil des années des albums. Voilà, Saxon s'écoutera le titre Dumbbuster et Venom Prison le titre Veil of Night, et les deux albums sont déjà dispo. Well, 20h22 à la pendule de Radio Béton, vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, on est ensemble en direct jusqu'à 23h. Et ma foi, c'est l'heure de retrouver pour la première fois l'ami Thibaut dans l'émission de ce soir, puisqu'il nous vient, il vient nous présenter le premier focus de l'émission, un focus qui nous vient du Nord. Ouais, ben bonsoir à toutes et à tous. Donc premier focus, et on va du côté du Danemark. Pour dire peut-être la sortie qui m'a mis vraiment une claque sur les sorties vraiment de ces dernières semaines là, Life Sick, un groupe donc qui nous sort son troisième album. Ils avaient sorti un album en 2015 qui s'appelait 601, alors je vais peut-être déjà définir le style, parce que style, d'un point de vue stylistique, c'est assez bâtard, c'est du hardcore qui va intégrer pas mal d'éléments de, alors dans les vieux albums de thrash. Dans ce nouveau, on y reviendra, des éléments beaucoup plus death, quelque chose d'un peu crossover, des fois un peu chaotique. Donc ça va vraiment dans plein de directions différentes. Donc leur premier album de 2015, il n'était pas encore vraiment justement orienté death metal. Il avait vraiment plus un côté raw trash un peu à l'ancienne, raw trash punk avec des éléments hardcore. Enfin, c'était voilà, moi j'ai trouvé sympa, mais sans plus. Toi Damien, tu disais que tu l'aimais bien. Bah dès le premier album, que du coup j'ai dû découvrir un an ou deux après sa sortie, j'ai accroché par ce côté en fait hyper rugueux, ça frôlait avec le négative hardcore. En fait c'était vraiment tous les éléments les plus violents du thrash et du punk mixés à la sauce hardcore. Ouais, complètement. Moi, pour le coup, j'ai vraiment plus pris ma claque sur Swept in Black, donc leur album de 2018, qui est le deuxième qu'ils ont sorti. Beaucoup plus lourd, plus sifflant, plus vénère, une prod vraiment massive. Et moi, bon, c'est clairement ce que j'aime dans la frange du hardcore, cette espèce de mélange hardcore-metal, qui est, franchement, à l'écoute, ça n'a pas été sans me rappeler, bah, on en parlait tout à l'heure, de Arm Down, en fait. Mm-hmm. Tout simplement dans l'approche. Et moi, je l'ai vraiment trouvé excellent, cet album, plus que le premier. Celui-là, il dénote un peu, enfin, celui-là, ce groupe dénote un peu de la scène hardcore qui est vachement For My Friend, For My Family. Là, c'est juste, il n'y a que de la haine et aucune pitié. Et avant que j'aie l'occasion de l'écouter, ce premier album, quelqu'un l'a écouté avant moi, il m'a dit, tu vas voir le premier break du premier morceau, tu démolis ton environnement, quoi. Et c'est vrai, tu l'as dit, il est sifflant, il est grinçant, ce second album de Life Sick. Et ça a fini de conquérir mon attention sur cette formation danoise. Ouais, grave. Et puis, bah, tu disais que de la haine, bah, clairement, l'album 2022, hein, simplement intitulé Misanthropie. Voilà. Tout est dans le nom. Pour moi, c'est juste l'album de la maturité. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Ils ont enfin aggloméré ce qu'ils avaient en colère, en énergie, vraiment, tu vois, en sentiment, mais en rajoutant vraiment quelque chose de riche par-dessus, et que ce soit plus juste ultra frontal, même si ça reste hyper vénère, mais c'est plus juste bête et méchant, il y a quelque chose qui se construit en plus. Bah, c'est un peu plus viscéral. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Et donc, beaucoup d'éléments death metal qui vont se rajouter par rapport à ce qu'ils proposaient avant. Alors, des éléments death metal, mais une ambiance globale radicalement black metal. Oui. Enfin, blackening hardcore. Justement, ouais, j'allais y venir. C'est, enfin, vraiment, moi, j'ai ressenti le truc du negative hardcore, quoi. Vraiment, tu prends ce truc-là dans les dents et ça te fout en colère, quoi. Mm-mm. Ça te fout vraiment la haine jusqu'au bout, et c'est, enfin, moi, j'ai vraiment pris une grosse claque rien qu'au niveau de l'artwork, que je trouve assez sympa. Il est pas la claque de ouf, mais je le trouve déjà réussi. Ah, pour le faire simple, c'est gros aplat rouge et on voit une silhouette humaine assise en train de somnoler, et il y a tout un nuage de fumée qui forme une tête de mort qui est en train de s'échapper de sa silhouette. Voilà, enfin, c'est l'expression de la noirceur qui se fait évacuer, bah, tout au long de cette dizaine de titres du nouvel effort de Life Sick. Ouais, bah complètement. Et puis voilà, bah, c'est... Je trouve que les compositions par rapport à celui d'avant, c'est toujours plus riche. Ça tricote quand même au niveau des guitares, puis ça siffle de partout, quoi. Mmh. Puis après, que dire des breaks? des breaks justement qui sont hyper teigneux et qui sont lâchés presque sur des gros. Enfin, on est entre le break et le down tempo régulièrement. Et c'est assez asphyxiant. Et au niveau du line-up, par contre, ce qu'on peut préciser, c'est que c'est un nouveau vocaliste. et que bah il a pris le rôle de la meilleure des manières. Ouais, bah complètement. Bah, je m'étais noté, tu vois, dans mes notes. Enfin, vraiment, paf, un petit glavio dans ta tronche, là. Voilà. Tu prends un peu de haine et puis c'est parti. Ça. Voilà. Est-ce qu'on s'en écoute un petit morceau pour illustrer ? Bien évidemment. Voilà, sachant que l'album n'est pas encore. S'il est déjà sorti, oui. Pardon. Misanthropie, donc nouvel et troisième effort de Leipzig, formation venue du Danemark. Et on va s'en écouter l'extrait tout de suite. Death Stays Close. C'est parti. Voilà donc un petit titre pour s'illustrer le troisième effort studio de Leipzig. Un petit mot sur ce qu'on vient de s'écouter. Veuillez ramasser vos dents avant de sortir de la pièce. Voilà. Non, ça va être ouf, quoi. Ça tabasse de dingue et puis clairement ça prendra toute sa superbe en live. Et en live justement ils seront en terre tourangelle le 8 et 9 juillet. Dans le cadre du prochain Ripfest. Alors je crois qu'il y a une couille dans la date, il faudra que je revérifie, mais j'ai un fort doute sur le fait que ça soit sur ces dates là je me demande si ça n'a pas été décalé. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, ils sont à Tours au mois de juillet, Leipzig, pour présenter notamment ce nouvel effort studio. On enchaîne la diff avec Amorphis, doublette de nouveautés. Pourquoi tu quittes le micro, petit lâcheur. Amorphis, on est sur un des pontes du Melodeath venu de Scandinavie, plus précisément de Finlande. Amorphis, j'ai lâché depuis l'album Silent Waters sorti en 2007. Donc je vais être un petit peu pauvre en informations. Ce nouvel effort studio s'intitule Halo. Il est déjà disponible. Ouais, ils sont même sur un petit label, en fait, Amorphis. Ils ont plus ou moins... ouais, c'est devenu presque un second couteau. Et Amorphis sort en doublette avec Darvaza, groupe de black metal, qui est également une nouveauté. Ça nous vient à la fois d'Italie et de Norvège. Hein. C'est un duo. Prolifique en termes d'EP, et là ils sortent leur premier véritable album studio, Ascending to Perdition. Darvaza, bah voilà, les présentations succinctes sont faites également. Mother of Harlots, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite, et Amorphis juste avant, avec le morceau Northwards. C'est parti. La doublette suivante nous offre un grand écart stylistique comme on aime. Tout d'abord, les vétérans du grindcore anglais Napalm Death, une sortie studio hop hop hop, en veux-tu, en voilà. Les sessions rejetées du dernier album qui date de 2020, Swords of Joy and the Jaws of Defeatism. Eh bien, ma foi, ces nouvelles sessions permettent de faire un EP généreux. Hein. On retrouve 8 titres. Bon, ok, il y a deux covers, mais c'est pas grave. Ça reste généreux pour Napalm Death. Puis bon, on n'est pas sur des titres de 40 secondes en plus. Resentment is always seismic, final throw of throws. Voilà le nom de ce nouvel EP de Napalm Death qui sort chez Century Media et qui bien sûr ne perd absolument rien en qualité. Et dans la foulée, les Finlandais de Battle Beast, le groupe de Epic Power, qui sort son nouvel effort studio Circus of Doom, qui pour moi ne renoue pas avec les deux premiers albums qui sont indétrônables, particulièrement celui de 2013, l'album éponyme. Mais voilà, c'est Circus of Doom est tout à fait correct et appréciable. Et les arrangements, ma foi, sont de fort grande qualité. On s'écoutera le titre Russian Roulette et juste avant ça Napalm Death avec le titre By Proxy. Et c'est parti. On continue la diff internationale avec Mass Worship, ce groupe qu'on vous a présenté, je crois, pour la première fois la semaine dernière, qui nous vient de Suède, qui nous fait un énorme crossover musical. C'est extrêmement riche, c'est chaotique, et puis bah, c'est très plaisant à écouter. C'est leur second album studio, intitulé Portal Tombs. Alors c'est rigolo, parce qu'en termes d'ambiance, on peut retrouver effectivement ce que nous propose le groupe Tombs, et en termes de structure musicale, on peut retrouver ce que nous propose le groupe Portal. C'est, voilà, petite anecdote personnelle. Century Media, c'est leur écurie, et dans la foulée, on va attaquer l'aspect française, avec Archville King, un one-man band nantais. On est sur du Trash Black, une nouvelle sortie Les Acteurs de l'Ombre, un Trash Black de forte inspiration black. Une nouvelle signature Les Acteurs de l'Ombre, le premier effort studio longue durée s'intitule À la Ruine. Et on va donc s'écouter le morceau de Mass Worship, le titre de l'album Portal Tombs, et Archville King, le morceau Dans la forteresse du Roi des Vers. C'est parti pour la prochaine doublette.